Fabienne Chauvière est avec nous et c'est un plaisir. Et oui. Bonjour gentil, Fabienne. Merci. Les aventuriers et les inattendus en ce dimanche. Des chercheurs, Fabienne, ont fait écouter à des crocodiles de la musique classique et leur ont fait passer des IRM. Et il fallait vraiment avoir l'idée d'une telle expérience. Une équipe de biologistes a fait passer une IRM à 5 pensionnaires de la ferme des crocodiles de Pierrelatte et les ont soumis à différents stimuli visuels et auditifs, dont de la musique de Bach. Le but de l'expérience était de mesurer l'activité de leur cerveau. Il a été noté des changements notables quand les animaux ont écouté de la musique classique. Certaines zones de leur cerveau se sont activées alors qu'elles ne le sont pas à l'écoute de sons plus simples. L'étude du cerveau des crocodiles peut permettre de comprendre comment le système nerveux des mammifères a évolué au cours du temps. Pour se souvenir de ses rêves, certains auraient trouvé la formule. Il y aurait une potion magique, Pierre, que tout le monde peut se procurer, puisqu'il s'agit de la vitamine B6. Est-ce que tu rêves d'avoir des rêves ? Une étude australienne qui vient d'être publiée a été menée auprès de 100 participants. La vitamine B6 améliorerait la capacité des gens à se souvenir de leurs rêves. La vitamine B6 est une vitamine que l'on trouve dans les céréales complètes, les légumes, la banane, l'avocat, les épinards, les pommes de terre, le lait, le fromage, la viande, le foie ou le poisson. 65% des personnes ayant participé à l'expérience se souvenaient bien mieux de leurs rêves après avoir pris de la vitamine B6. Juste avant d'aller se coucher. Certains chercheurs pensaient même que la vitamine B6 rend les rêves plus colorés, plus vivaces ou bizarres. Mais cette nouvelle étude n'a pas confirmé cette séduisante hypothèse. Oh, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Moi, j'avais un gros poisson dans la main et je donnais des coups sur la tête de maman avec, mais... Du poisson? Ouais. C'est de l'argent? Mais tu vas gagner de l'argent. Autre chose maintenant, le stress. Ah, le stress, il peut vraiment donner des cheveux blancs. Et vous n'êtes pas très stressé, Pierre, d'ailleurs. Parfois. Les chercheurs viennent de comprendre pourquoi. Qu'y a-t-il ? Oh, vos cheveux, madame. La perte de pigmentation des poils serait associée à l'activation du système immunitaire. Un laboratoire de l'Université d'Alabama a découvert qu'il y a un lien entre des gènes qui donnent la couleur des poils et des cheveux et ceux qui informent l'organisme d'une infection. Les chercheurs ont travaillé avec un modèle de souris prédisposée à avoir des poils blancs. Ils ont mimé une infection et les souris se sont retrouvées plus grise. Les chercheurs pensent que les gènes qui contrôlent le pigment dans le cheveu et la peau travaillent également pour contrôler le système immunitaire. Ces résultats pourraient expliquer pourquoi certaines personnes ont des cheveux blancs de manière prématurée. Je suis la jeune fille. Dernière page des inattendus, Fabienne Chauvière, le tourisme est mauvais pour le climat. Ah oui, ça c'est moins drôle. 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dues au tourisme. Ce sont les trajets et les séjours intérieurs qui sont la source de la plus grande partie des rejets carbonés. Les Américains sont à l'origine d'environ un quart des émissions touristiques. Ils sont suivis par les Chinois, dont les classes émergentes sont de plus en plus voyageuses. Pour réduire l'impact, la solution sera peut-être de mettre en place une taxe. En fait, refroidir les touristes pour limiter le réchauffement du climat. Il fait froid, le monde entier est gelé. Fabienne Chauvière, les inattendus, qu'est-ce que je raconte les... Oui, c'est ça, Fabienne Chauvière, absolument. Et à réécouter sur le site de France Inter. Les fins de nuit sont difficiles, Pierre. Non, ça va très bien. franceinter.fr